J'ai le plaisir pour cette première interview de l'année 2026 d'être avec le deux membres du groupe Exil, à savoir donc Arsène et Alan. Salut les gars, merci. Salut à toi, merci de nous avoir invités dans cette interview. Je voudrais qu'on attaque de suite en parlant un peu de vous en tant que personne et de votre parcours un peu de musicien, parce que je pense que ça va permettre de pas mal comprendre ce que vous êtes et ce qu'est le groupe que d'en savoir plus sur vous. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, donc. Je sais pas quel des deux veut commencer, mais c'est à vous. Alors, tu peux y aller, Arsène. Moi, j'ai une Ouais, question plus. je vais commencer, je pense. Alors, du coup, moi, j'ai commencé mon parcours musical un peu avant 2020. Je faisais de la basse, j'étais toujours dans la région lilloise. Et donc, j'ai commencé la musique en faisant de la basse par ici. J'avais un groupe de copains avec qui on faisait de la musique. Et puis, petit à petit, je me suis donné à l'idée qu'il fallait que je commence mon projet à moi tout seul. Et puis, arriva la crise de 2020 qui m'a fait que j'ai perdu mon taf et j'avais une guitare chez moi. J'étais bloqué à peu près à rien faire, sauf jouer de la guitare. Et plus les idées arrivaient, parce qu'on était tout le temps H24 à la maison, à presque rien faire. Du coup, j'ai commencé à faire mon projet. Et en 2020, j'ai créé donc mon groupe qui s'appelle Exil, et c'est de là où j'ai vraiment commencé à m'améliorer en tant que musicien, et c'est là où j'ai pris la guitare parce que c'était quand même plus simple pour moi de composer avec. J'avais un groupe d'amis qui était avec moi à l'époque, qui m'ont permis d'enregistrer donc mon premier EP album à cette époque-là. Et donc en 2020, on avait donc sorti mon premier EP Yad avec les quatre membres du groupe, les quatre membres du groupe à l'époque. Et donc ça s'est plutôt bien passé, on a été bien reçus. Il y avait même une petite asso label local qui s'est créée et puis qui nous ont soutenus et nous ont pressé nos CD. Et avec quelques petits concerts par-ci par-là à Lille, à Paris, dans les alentours, on a quand même pu le défendre et on a fait un split avec des groupes locaux juste après. Et juste après tout ça, 2023, avec un petit changement de line-up, Alan est arrivé dans le groupe et on a pu commencer à travailler ensemble sur le futur d'Exil. Et le futur d'Exil, il a été fait maintenant, enfin, il va sortir bientôt maintenant. Et donc, voilà à peu près mon parcours musical. Donc, j'ai commencé chez moi tout seul et je suis là en 2025-26 maintenant. On n'oublie pas. Et voilà, du coup, on va sortir notre prochain album avec ici présent, qui est mon batteur, je lui laisse la parole. Yes, moi j'ai commencé la batterie vers mes 13-14 ans. Après, ça va bientôt faire 10 ans. Donc, pour le coup, j'étais un peu dans des groupes, tu prends un peu ce qu'il y a, l'école de musique, donc des trucs acoustiques. Voilà, très vite, d'ailleurs j'ai fait 2 ans dans ce groupe-là et très vite ils ont compris que j'allais m'en aller vu mes goûts musicaux orientés plus métal. Et j'avais commencé un petit groupe avec un pote du lycée, tout ça. On a sorti 2 morceaux. Donc pour les férus de Metaloum, ça s'appelait À la lanterne pour le coup. Et voilà, groupe lycée en mode kiff. Et entre deux, c'est vrai qu'Arsène il m'a un peu contacté pour. Faire la batterie dans Exil. Donc, au début, j'ai écouté, je me suis dit, moi j'étais dans ma période très black metal, 1349, très bourrin, bourrin. Donc, au début, je me dis, tiens, ok, bon, pourquoi pas. Et puis, on a fait la répète. Et finalement, en fait, ça climate avec mes goûts, avec ce que j'ai envie de jouer, tout ça. Donc, là, je pense que ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je suis dans le groupe. Tout du genre. Donc j'étais rentré pour la batterie et finalement par comment dire la liberté que m'a laissé Arsène, j'ai pu commencer à écrire un peu des paroles, à donner des idées, un peu de riff, des choses comme ça. Alors, après, je me suis aussi investi pour tout ce qui est trouver les concerts. Voilà, je suis un peu devenu le deuxième moteur du groupe avec Arsène. Donc ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire toutes ces choses-là dans le groupe. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai rejoint à la basse le groupe Win, des Acteurs de l'Ombre, donc uniquement pour faire le live. Donc pareil, pour changer, faire de la basse, être un petit peu plus détendu, même si quand même, hein, il faut... Là, j'apprends qu'il faut quand même gérer plein d'autres choses, prestance scénique, les morceaux quand même assez ardus. Et puis voilà, après, dans l'ombre, rien n'est annoncé, mais j'enregistre à droite à gauche des petites choses à la batterie, dans l'univers du black metal. Donc voilà, j'ai pas un énorme palmarès. Mais ouais, voilà, que du bonheur. Du coup, je vais me recentrer un peu sur toi, Arsène, vu que c'est toi le créateur à l'origine, en tout cas. Oui. Donc, bah, la petite particularité, alors j'ai pas réussi à trouver exactement, mais si tu es franco-kazakh ou si tu es, enfin, en tout cas, tu as des origines du Kazakhstan, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, enfin, Ouais. peut-être complète et corrige-moi parce que j'ai pas réussi à savoir si tu étais binational, né là-bas, enfin. Bon, en fait, je ne suis pas encore naturalisé. Donc, si c'était ça la question, maintenant, je suis toujours encore kazakh. D'accord, ok, J'ai mon non mais. passeport kazakhstanais dans ma poche, donc tout va D'accord. bien là-dessus. Et Ouais. ouais, je suis arrivé en France en 2012, à mes Ok. 18 ans, pour faire mes études. Et j'ai atterri à Lille. Et depuis, j'y suis resté jusque-là, en fait. Là, ça fait presque maintenant. Ça fait peur de dire ça, mais la 14e année qui commence là. Voilà, donc ça fait 14 ans que j'habite. Enfin, ça va faire 14 ans que j'habite. Dans la région lilloise, et c'est là où j'ai commencé. Et donc, pour en revenir à la musique, j'essaye de lier mes expériences, mes origines, le son, le folklore, tout ce qui entoure le désert, la steppe, le Kazakhstan et tout ça. J'essaye de l'intégrer dans le black metal qu'on fait dans Exil. Ça veut dire que ça change quand même un petit peu de l'essence même du black metal, entre guillemets, on se Ouais. comprend. Et donc c'est là où on a créé notre album qui est vraiment à cheval entre ces deux identités-là. Bah, Voilà. justement, j'ai trouvé intéressant que tu partes quand même sur un thème très black metal et que tu sois pas parti sur quelque chose d'un peu folk metal, Ouais. tu sais, pour Oui. absolument pousser les instruments typiques du pays, tout ça. Traditionnel, ouais, c'est Voilà, ça, traditionnel, ce que d'autres ont pu faire, je pense par exemple Mmh. aux Mongols de The Who, Ouais, tu vois, j'avoue, ouais, c'est ça, voilà. ouais. Alors, Et ils le font, ouais. c'est Ils le font pas, très bien, d'ailleurs, hein. et ils le font très bien, oui. Ouais, Mais ouais, ouais. justement, tu vois, quand j'ai découvert le projet et que j'ai vu tes origines, tout ça, je me suis dit, c'est encore plus intéressant, je trouve, de cette voix du black, post-black, parce que bah, c'est pas commun. En fait, c'est exactement pour cette raison, entre guillemets, qu'en fait, on appelle ça un peu black metal folklorique parfois, parce qu'en fait, il y a des trucs du folklore, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des cornes dans lesquelles je vais souffler, ça va faire un son et j'ai enregistré ça. C'est plus subtil que ça, et en fait, ça va plus se transmettre par la langue aussi, parce que c'est la première fois, je pense, pas m'avancer trop, mais au Kazakhstan, personne n'a encore fait du black metal et chanté en kazakh. Je crois que c'est soit du russe, soit du anglais, et ça se perd un peu. Je trouvais ça dommage. Là, pour cet album-là, il y a un morceau qui se chante à 100% en kazakh. Donc voilà, sans trop être dans les flûtes, tout ça, et les instruments traditionnels, bien qu'il y en a et ils sont très riches, mais pour cet album-là, je me suis réservé de le faire. Et j'ai juste joué de la guitare de mon côté, guitare, basse, batterie et chant, et c'était déjà il y avait déjà beaucoup de choses à faire, Ouais, bien voilà. sûr. Oui, et puis, enfin, alors, je t'avoue que le kazakh, c'était une langue que je ne connaissais pas avant d'écouter l'album, mais je trouve qu'il se marie très très bien, justement, sur du black metal. Ça paraît naturel. Ça fait Ouais, pas c'est forcé. ça, ouais. Ouais. Bah oui, c'est une langue qui est assez riche au final et qui en fait qui peut être chantée même dans des voix extrêmes. Voilà. Alan, par rapport à ça, je me mets un peu à ta place. Tu rencontres Arsène, il te dit je vais chanter certains morceaux en kazakh. Toi, je suppose que comme moi, tu connais pas la langue initialement. Ça doit, sur le coup, tu dois te, t'as dû te dire, oula, est-ce que ça va marcher pour moi? Ça devait être, ça a dû être aussi un petit travail pour toi de d'intégrer ces nouvelles choses. C'est-à-dire quand tu dis marché pour moi, est-ce que ça a marché pour le groupe ou est-ce que moi ça va me plaire ou... Ouais, enfin, un peu. Alors, marché pour le groupe, vu qu'il avait déjà sorti des la démo, etc., et que ça fonctionnait déjà, bah, on peut pas. Voilà, c'était surtout pas pour toi que arriver à t'approprier, enfin, à ressentir et t'approprier aussi le projet. Ouais, en fait moi je vois plus ça comme... Enfin, j'en tire plus le côté original de la chose. Quand même assez unique. Au-delà de ça, comme il expliquait, il chante beaucoup en français, il y a un peu de l'anglais aussi, pas que de Amy, mais lui aussi il va chanter en anglais sur cet album, beaucoup de russe, et effectivement le morceau en kazakh, et d'ailleurs quand j'avais reçu les premiers one-shots au studio, donc j'écoute, je me suis dit, mais c'est encore plus agressif que de l'allemand ou du russe, tu vois. Enfin, je me suis dit, Oui. mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est toujours le même chanteur, je le Oui. connais, tu vois, au bout d'un moment, et je me suis dit, mais attends, comme tu s'y prêtes encore plus, s'y prête super bien. Donc je sais pas si c'est cette... la hargne vient peut-être juste du langage lui-même, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, il y en a beaucoup qui vont confondre et qui vont me poser la question, ah, mais du coup, c'est à peu près pareil que le russe, ce qui est absolument pas vrai, du coup, c'est complètement différent. Donc ouais, Ouais. je crois que Arsène tient un bon truc. Complètement. Mais ouais, moi, ça m'a jamais même pas dérangé ou quoi. Je trouve ça génial, en fait. Enfin, t'es porté par le truc. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de la thématique de l'album, un peu de ce que des paroles qu'il y a dedans? Parce que ben, je conseille pas d'essayer un Google Traduction quand il y a plusieurs langues au sein de même texte. Ça fait des nœuds, c'est pas terrible. Mais est-ce que justement, tu peux nous dire un peu tout ce que tu as voulu faire passer comme message dans cet album? Alors, en fait, comme disait Alan, on a écrit les paroles à deux, et parfois on l'a même fait en dernière minute, juste avant d'enregistrer. On a peaufiné les paroles en même temps, et puis on l'a one shot, et au final, c'est comme ça que ça a le mieux marché. Donc, en fait, pour moi, c'était beaucoup de. Je me suis retrouvé dans les paroles que même Alan a écrites. Toutes les expériences que j'ai vécues, je les ai un petit peu revécues en écrivant et chantant ces paroles, en fait. Et le fait que je chante dans plusieurs langues, je peux parfois raconter certaines timelines. Et en fait, comme je chante en russe, c'est souvent mon expérience que j'ai eue au Kazakhstan. Le Kazakh, c'était pareil. C'était un peu un retour aux sources, un peu plus dans le sens spirituel, entre guillemets. Et en français, c'est un peu plus l'actualité. Et c'est exactement ce que moi, je voulais aussi transmettre dans cet album. C'était que d'un côté, je parle un peu de mon passé, mais d'un autre côté, il faut aussi parler du présent, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses là, en fait. Et c'est comme ça qu'avec Alan, on a fait des paroles chez lui, chez moi, et puis on était à distance, même on s'écrivait des trucs, et puis on se disait, finalement, ça a très bien collé à certains morceaux. Je pense à notamment Poussière, c'est vraiment le morceau, on a vraiment mis 50-50 du sien pour créer les riffs, ou que ce soit les riffs ou les paroles, on a vraiment fait ça à deux. Et puis il y a un très beau monologue qui est tiré d'un livre d'un auteur kirghize, cette fois. Qui s'appelle Chingiz Aitmatov, et j'ai lu en fait un passage de son livre qui parle de la beauté de la steppe, tout ça. Donc en fait, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de l'actualité, enfin de ce qu'on vit maintenant entre nous, ça parle aussi de mon passé, tout ça. Donc c'est un peu. Il y a différentes thématiques, et comme chaque morceau ne se ressemble pas, c'était un peu le but, parce que chaque morceau a sa propre histoire, c'était. Justement, tout le folklore, c'est un très bon mot pour réunir tout ce projet-là en un seul mot, ce serait bien le folklore. Voilà. C'est à peu près comme ça que je le vois. Sur le dernier morceau, vous avez collaboré avec Amy, qui du coup fait partie du groupe Ear of Cobra et plus récemment Amen Ra. Donc, c'est quand même une belle pointure de la scène et qui en plus, bah, qui est très expérimenté tout ça. Est-ce que ça, est-ce qu'elle vous a apporté, est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez pu travailler avec elle en physique ou est-ce que vous avez fait tout en distanciel? On avait fait en distanciel pour cet album-là. En fait, Ok. du jour au lendemain, je l'ai contacté. Comme il y avait un seul riff, je me suis dit, mais en fait, le riff est monotone et il est assez doom parce qu'il ne ressemble pas aux autres morceaux. C'est assez lent, c'est assez Oui, low c'est tempo. du mid Et tempo, ouais. en fait, on réfléchissait à quelle voix poser dessus jusqu'à ce que j'ai une illumination et je me dise, ah, mais en fait, j'ai une personne, si elle est dispo, ce serait magnifique que ce soit elle. Et quand je lui ai écrit, le lendemain, elle m'a dit, salut Arsène, j'ai essayé un truc. Elle l'a one shot dans la nuit, apparemment. Elle me l'a envoyé, elle m'a dit, voilà, est-ce que essaye de faire quelque chose, dis-moi si ça te va. J'ai écouté la première fois, j'ai fait écouter au gars, tout le monde m'a dit, c'est exactement ce qu'il fallait. Et depuis, enfin, on n'a rien touché, quoi. En fait, Ouais. on a laissé tous ces passages en chœur, on a laissé ces moments forts, tout ça, et puis on les a juste intégrés dans le morceau. En fait, c'est comme si le morceau, on l'a écrit pour son chant à elle. Ouais. Du coup, on l'a mis dedans, on s'est dit, c'est bon, là, on n'y touche plus, quoi. Enfin, il y a eu vraiment presque pas d'édit sur sa voix, ni rien. Il y avait juste du mixage fait dans le studio, et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Tellement c'était bien depuis le début, quoi. OK. Donc là-dessus, c'est intéressant qu'elle ait pu faire ça, parce qu'elle l'a fait en 2024, et nous, on s'est dit, bah, trop bien, hein, on a la chanteuse de Heroes of Cobra. Et en fait, elle m'a dit, à petits inside, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, je rejoins Amenra. Et je fais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Là, Pardon. ça change tout, en fait. Là, ça change beaucoup de choses, en fait. Oui. Donc voilà, ça a plutôt aidé. Ok, ouais. Bah, du coup, vous êtes toujours en contact avec elle, vous avez l'occasion d'échanger régulièrement. Oui, en fait, moi, je la connais. C'est marrant que tu m'en parles parce que justement, juste hier, j'ai fait une vidéo pour un peu raconter l'histoire de comment ça s'est fait avec Heroes of Cobra. En Ok. fait, quand je t'ai dit que j'ai commencé la musique en 2018, fin 2017, vers ces eaux-là, j'étais organisateur de concerts à l'époque et j'ai eu l'occasion de jouer avec elle et avec mon premier groupe à l'époque. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien qu'on groupe. Genre, ils sont juste à deux, basse, batterie, voix féminine, parfait, ça sonne super bien. Et je me suis dit, la musique est riche. Tout en restant minimaliste, mais elle est aussi Ouais. tellement forte, le son était parfait, tout ça. Donc j'avais toujours gardé contact avec elle. Et les autres années où elle faisait encore des tournées européennes, bah, je leur ai organisé des dates à Lille. Ils passaient par là, ils étaient très contents. Et puis bah, on gardait toujours contact de loin. Puis après, le Covid est arrivé. Enfin, bien sûr, tout le monde est en pour rester chez soi. Et puis là, quand elle est revenue en 2025, bah, en fait, je l'ai vue avec Amenra cette fois-ci. Et je me suis dit, mais waouh! C'est magnifique, quoi. OK. Et l'an juste avant, l'an 2024, elle m'a envoyé ses voix qu'elle avait faites sur mon morceau. Et ça s'est juste bien goupillé comme ça, quoi. Je Ouais. pense que cette année, si je l'avais contactée, elle m'aurait dit, désolé Arsène, j'ai pas le temps. Oui. Elle doit être quoi? Elle est en tournée tous les 2 mois avec tous ses projets. C'est ça. On peut absolument pas la capter, quoi. Donc, Ouais. donc j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir appelée à l'époque, quoi. Et voilà, donc ça s'est très bien passé, ça s'est fait tellement naturellement que je me suis dit que quand ça se passe naturellement comme ça, c'est que ça devait être fait ainsi. Ouais, Voilà. c'est cool. Et puis effectivement, la voix, l'ambiance du morceau, tout colle parfaitement ensemble. Comme tu Ouais. dis, on sent que Ouais. c'était fait pour elle. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà sorti. Alors là, aujourd'hui, on est le 6 septembre, janvier, pardon. Le 6 janvier, donc votre album sort le 30. Et là, à l'heure actuelle, vous avez sorti un premier clip pour votre premier single autour de l'album. Ça. Ma question, c'est est-ce que vous comptez sortir d'autres clips, d'autres singles, ou il est temps Alors que ouais, il les y aura un gens le autre. prennent globalement, l'album? Ah ouais, bah ça c'est intéressant que tu me poses cette question-là. En fait, on a prévu de sortir encore une petite surprise avant la release. Donc Ok. ça va être bien. Il y aura encore d'autres insights. Pour l'instant, j'en dis pas plus, mais oui. Mais on a prévu de sortir d'autres trucs encore. Ok, alors, je suis désolé, je repars un peu sur le Kazakhstan parce que en fait, j'ai été très intéressé, tu vois, de voir qu'il y avait une scène métal au Kazakhstan parce que c'est pas forcément les groupes qui s'exportent le plus chez nous en France, en tout cas. Ouais. Du coup, je voulais savoir un peu la scène kazakh, elle est riche, elle est nombreuse, enfin, comment ça Alors, se passe là-bas? en fait, comment te dire, c'est, je pense que la musique évolue par là-bas. En fait, la musique metal, c'était très underground, genre, ça n'existait pas. Elle n'était pas interdite, hein, et pas du tout. Mais juste que personne ne savait ce que c'était. Tout le monde, les gens disaient que, ah oui, tu fais du hard rock, en fait. Oui, c'est un peu à ce niveau-là, quoi. Mais je pense qu'en fait, il y a quand même des choses, des phénomènes qui se sont améliorés là-dessus. C'est qu'en fait, il y a eu, depuis la guerre en Russie, le Kazakhstan attire des groupes internationaux qui allaient d'habitude à Moscou. Maintenant, Almaty, donc ma ville natale, c'est devenu Moscou, en fait. C'est parce que tous les gens organisent là-bas. Il y a des grosses stars qui viennent, métal ou sans métal. Il y avait Jennifer Lopez l'année dernière, 50 Cent qui était venu aussi là-bas, alors qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça, quoi. Et donc, la musique a évolué. Donc, les groupes commencent à émerger parce qu'ils se disent, OK, bah, là, on sent qu'il y a quand même une scène, on sent qu'il y a des gens de l'international qui viennent vers nous. On va commencer à faire de la musique. Donc, moi, je dirais que c'est une scène qui est très, très jeune, mais qui évolue constamment parce qu'elle s'inspire de tous les nouveaux acteurs qui s'offrent à l'Asie centrale. Parce que maintenant, il y a un gros chaînage avec l'Asie centrale. Enfin, l'Asie centrale, j'inclus la Géorgie, le Kazakhstan. Et le Kyrgyzstan, c'est là où ça bouge le plus en ce moment. Donc, ouais. Et donc, dans ma ville, Almaty, c'est un peu la plus grande ville, entre guillemets. Et puis, c'est là où ça se passe, quoi. Bah écoute, c'est hyper cool d'apprendre que justement que le métal arrive à commencer à se développer dans des contrées ou qui ne sont pas ces contrées d'origine, mais comme ça a été le cas en France il y a plusieurs décennies maintenant, parce que enfin on était Ouais. historiquement pas Ouais. très très métal non plus, hein, mais aujourd'hui on a des Ouais, beaucoup de festivals, aujourd'hui énormément ça. de concerts, plein de groupes qui sont en train d'émerger, C'est dont ça, vous. Voilà. ouais. Bah écoute, je vais terminer avec une dernière question, à savoir, quand est-ce qu'on peut vous voir en live? Intéressant. Est-ce que vous avez déjà des dates, un peu de prévues pour 2026? Est-ce que annoncé ou On est en pas train de annoncé, prévoir hein? ça, on est en train de. Et en ce moment pour faire une release, ça va être annoncé bientôt pour faire une petite release à Lille, bien sûr, pour se dire que bah, comme on est ici, bah, il faut le faire là. Et une fois que ça sera fait, bah, on va voir les plans qui vont arriver, mais on est en train de travailler dessus. Ok. Donc, on peut espérer vous voir un peu partout en France. C'est ça. Ok. Après, on cherche des dates, on est ouvert à peu près tous les plans, on peut faire des plateaux avec plein de groupes. Nous, en fait, on est très ouvert par rapport au style, entre guillemets. On n'est pas bloqué dans le black metal. On a joué avec beaucoup d'autres groupes avec qui ça colle très bien, qui ne sont pas du tout dans le black metal ni rien. Et ça collait toujours très bien, quoi. Donc, voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Moi, cet album, à titre personnel, j'ai trouvé très très sympa. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et à le réécouter. Donc, je conseille, bon, je dis ça à chaque interview parce que je prends rarement des interviews qui me déplaisent, mais faut aller l'écouter vraiment, faut aller découvrir ce qu'est Exile déjà sur CD et puis pourquoi pas un album prochainement. Bon, un album en live, pardon. Ouais, ça va arriver par la force Ça va des venir choses, on ça. s'imposera, t'inquiète. Mais ouais, ça prend du temps, mais la patience. Vaut mieux bien patienter et bien faire les choses, et au moins tout le monde est content et on pourra tous profiter au moment où ça arrivera pour faire une bonne release, dans les bonnes conditions, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci à toi. Salut.